إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous allons cette fois-ci commencer le premier hadith, l'explication du premier hadith. Donc là, non, nous sommes en direct aussi sur notre salaire. Et... Salam alaikum. Wa alaikum as-salam. Vous êtes moi, chargeur ? C'est bon, c'est bon. Barak lo fik. La ramener à l'arsen. Barak lo fik. On avait vu l'introduction sur les 40, le livret des 40 Nawawi. On avait fait une brève biographie donc, de l'imam Nawawi. Et l'introduction de Cheikh Salah al-Fawzan. Hafizahullah sur les 40 Nawawi. Donc, nous allons commencer donc le premier hadith. Alors, comment on va s'organiser, Inch'Allah ? C'est que on étudiera l'explication complète de Cheikh Ubayd al-Jabri, Hafizahullah. Sur le premier hadith des 40 Nawawi, on commence par une partie de Cheikh Salah al-Fawzan, puis une partie de Cheikh Mohammed bin Salah al-Uthaymeen, puis l'explication donc du premier hadith par Cheikh Ubayd al-Jabri dans son entier, parce que l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabri, hafidhullah, c'est une explication plutôt simple, claire. Donc c'est pour ça que je l'ai pris pour déjà, on va dire. Déblayer le terrain, d'accord. Puis on va rentrer dans le détail avec les explications de Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen rahimahullah. Donc le hadith al-awwal, le premier hadith, donc vous avez, hein, en allant sur le site internet, vous pourrez trouver le matn, le texte des 40 hadiths. Donc les actions ne valent que par leur intention. Ça c'est le premier hadith. Al-a'mal bin niyat. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Le commandeur des croyants Abu Hafs Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه a dit j'ai entendu l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم dire إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه dit j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. C'est pour ça qu'il faut prêter attention même dans ce que dit Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه. J'ai entendu. Et on va insister pourquoi tout à l'heure. J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Les actions ne valent que par leurs intentions. Chacun ne recevra la récompense qu'il mérite que selon ce qu'il a entendu faire. À celui qui a accompli l'hijra, la hijra, c'est-à-dire l'émigration, pour plaire à Allah et à son envoyé, sa migration lui sera comptée comme accomplie en vue de Allah et de son envoyé. » Tandis que celui qui l'a accompli pour obtenir quelques biens en ce bas monde ou pour épouser une femme, son hijr, sa hijra, sa migration, lui sera compté selon ce qu'il recherchait alors. Et ce hadith-là est rapporté dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim. Rahimahumullah. Alors, Cheikh Salah al-Fawzan, Hafidhullah, a dit, En commençant son explication. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc l'auteur a commencé son livre des 40 Nawawi par ce hadith-là de Umar ibn Khattab رضي الله عنه. وهو متفق على صحته. Et l'imam al-Bukhari et Muslim sont d'accord pour son authenticité. رواه الإمام البخاري في صحيحه ورواه الإمام مسلم في صحيحه. Donc l'imam al-Bukhari et Muslim l'ont rapporté dans leur sahih. فهو متفق عليه, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur l'authenticité, les deux. والمتفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم هو أصح الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et lorsque vous lisez dans les hadiths que c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, donc l'agencement de mots, le texte, comment que c'est, et la chaîne de transmission, elle est rapportée en même temps par al-Bukhari, mais on trouve que c'est également rapporté par l'imam muslim, ça c'est le plus haut degré d'authenticité. Ça veut dire que c'est plus fort qu'un hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari, qui est aussi authentique. Mais ils sont les deux authentiques, mais celui où est-ce qu'il est rapporté par Bukhari et Muslim les deux, il est beaucoup plus fort et c'est le plus haut degré d'authenticité. D'accord ? Des hadiths dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وصدر المؤلف رحمه الله مؤلفه بهذا الحديث للتذكير بالنية. Donc l'auteur, l'imam al-Nawawi رحمه الله, a commencé son livret des 40 Nawawi par ce hadith que les actes ne valent que par leur intention, pour se rappeler. Alors déjà on voit, hein, il commence à mettre en place tous les hadiths dans son livre là et il commence par mettre les actes ne valent que par leurs intentions, pour se rappeler que son intention il doit la faire que pour Allah Azza wa Jal, qu'elle doit être sincère pour Allah Azza wa Jal. D'accord ? Pour se rappeler donc l'intention. وأن المؤلف وغيره من كل من يقوم بعمل صالح يجب أن يكون صادرا عن نية خالصة لله عز وجل. Donc que ce soit l'auteur qui a commencé par ce hadith là, ça c'est pour se rappeler l'intention. Mais également tout individu qui commence à faire une œuvre pieuse. Lorsque tu viens pour faire une œuvre pieuse, tu dois te rappeler, te renouveler ton intention dès le départ. Pour pas que tu la corromps en fait. Ouais. C'est-à-dire que lorsque tu viens pour commencer une œuvre pieuse, tu renouvelles ton intention. Attention, je le fais pour qui ? Ouais. Que tu le fais vraiment pour Allah Azza wa Jal. Et donc tu te rappelles l'intention. C'est notamment la cause pourquoi l'auteur a commencé avec ce hadith-là. Pour se rappeler que lorsqu'il met en place ce livre-là, ça doit être fait sincère, intention sincère pour Allah Azza wa Jal seul. يجب أن يكون صادرا عن نية خالصة لله عز وجل كما أن الإمام البخاري رحمه الله صدر صحيحه بهذا الحديث تذكيرا بالنية. Même l'imam al-Bukhari dans son sahih, il a commencé avec ce hadith là pour se rappeler l'intention, que lorsqu'il met ce livre là, qu'il se rappelle qu'il doit le faire sincèrement pour Allah عز وجل. وغيره. Donc, وأن المؤلف وغيره يجب أن يتذكر هذا الحديث عند كل عمل يعمله فيخلصه لله عز وجل لئلا يكون عمله تعبا بلا فائدة. Et donc ceci, que ce soit les savants ou que ce soit n'importe quel musulman, il se doit de se rappeler que toute œuvre qu'il fait lorsqu'il vient pour commencer une œuvre pieuse, qu'il doit se rappeler l'intention qui doit être sincère envers Allah Azza wa Jal, afin que l'œuvre qu'il fait ne soit pas une fatigue sans bénéfice. D'accord ? Il fait une œuvre pieuse, il se fatigue à la faire, mais il ne reçoit aucun bénéfice. Pourquoi ? Parce qu'il ne l'a pas fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. D'accord ? Ou comme on disait, il se lève la nuit pendant que tout le monde dort, hein ? Mais dans sa tête, il aurait souhaité que les gens le voient, qu'il est en train de prier de nuit. Donc il ne le fait pas sincèrement pour Allah. où il aimerait en parler aux gens qu'il prie de nuit. D'accord ? Donc il se lève. T'imagines, pendant la nuit, il se lève pendant que les gens dorment. Donc il se fatigue. Le problème, c'est qu'il se fatigue. Et en plus, il ne reçoit aucun bénéfice si son intention elle n'est pas faite sincère pour Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le premier point de l'explication de Cheikh Salah al-Fawzan, Hafidhahullah. Concernant ce premier point, maintenant de l'explication de Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymin, rahimahullah. Il dit, An Amir al-Mu'minin, donc le commandeur des croyants, wa huwa Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab, Abu Hafs, donc Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, قالت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر رضي الله عنه له. Donc, Abu Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه a reçu donc cette autorité d'être le calife pour la communauté, d'accord. Et c'est Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه qui l'a nommé comme étant le successeur de Abu Bakr, d'accord. فهو حسنة من حسنات أبي بكر. Donc c'est une bonne action de parmi les bonnes actions de Abi Bakr radhiyallahu anhu. Wa tansibuhu fil khilafa shar'i. Et le fait que Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu soit lui le calife, le commandeur des croyants. Eh bien, c'est yani il est le commandeur des croyants mais de façon légiférée. Il est calife de façon légiférée. لأن الذي عينه أبو بكر. Parce que celui qui l'a désigné pour être le calife, c'est Abu Bakr. Parce qu'on sait que le premier, c'était Abu Bakr. D'accord ? Et ensuite, il l'a désigné Omar ibn Khattab. وأبو بكر تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة. Et Abu Bakr, comment il a été le premier calife ? Ce sont les sahaba qui lui ont prêté allégeance, qui lui ont fait la bay'a. D'accord ? فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر. Donc la khilafa, le califat de Omar ibn al-Khattab, elle est légiférée tout comme la, le califat de Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه. ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Et Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه a fait le meilleur choix en choisissant Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه comme son successeur. وفي قوله رضي الله عنه dans la parole de Omar ibn Khattab lorsque vous lisez le hadith سمعت j'ai entendu. Donc lorsque Omar ibn Khattab رضي الله عنه wa alaykoum salam wa rahmatullah, lorsque Omar ibn Khattab رضي الله عنه a dit j'ai entendu دليل على انه اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطه. Ça c'est une preuve qu'il l'a pris directement du prophète صلى الله عليه وسلم sans intermédiaire. C'est pas quelqu'un qui lui a rapporté cela. Il l'a entendu directement de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wal ajab, là c'est ce qui est étonnant, an hadha al hadith lam yarwihi an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illa Umar radiyallahu anhu ma'a ahammiyatihi lakin lahu shawahid fil Quran wa sunnah. Ce qui est surprenant, c'est que Umar ibn Khattab radiyallahu anhu c'est le seul à avoir rapporté, à avoir entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Ça, c'est une spécificité de ce hadith-là. Les actes ne valent que par leur intention. Omar ibn Khattab, c'est le seul à l'avoir entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les autres sahaba qui l'ont rapporté, ils l'ont rapporté de qui ? De Omar ibn Khattab. D'accord ? Il n'y a pas, par exemple, d'autres hadiths des sahaba qui rapportent cette parole-là du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Il dit, ce qui est surprenant, il n'y a que Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui a rapporté ce hadith en disant qu'il l'a entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus, que c'est un hadith qui est très important dans la religion de l'islam. D'accord ? Mais, il y a des preuves qui soutiennent encore la forte authenticité de ce hadith. D'une part, il est rapporté par Bukhari et Muslim, mais il y a des preuves aussi qui proviennent du Coran et de la Sunna qui prouvent ce hadith-là. Qui témoigne en fait de ce qu'implique ce hadith. ففي القرآن يقول الله تعالى. Alors dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. Donc ça c'est le premier témoin qui supporte ce hadith là qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Al-Baqarah verset 272: et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage, et vous ne dépensez que pour la recherche de la face d'Allah. Il l'abtira wajhillah. Tu le fais pour qui? Pour la face d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc ça, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Mohammed bin Salah al-Uthaymin rahimallah? Il dit, fahadihi niya. Si tu recherches la face d'Allah Azza wa Jal en faisant cette œuvre-là, c'est quoi? C'est une intention. C'est une intention. Wa qawluhu ta'ala. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, Muhammadun Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه يبتغون فضلا من الله ورضوانه. Donc dans sourate Al-Fath le verset 29, dans la traduction du sens du verset, Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs avec les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Recherchant d'Allah grâce et agrément. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, وَهَذِهِ نِيَّةٌ. Et ça c'est aussi une intention. Tu les vois inclinés, prosternés, intention, c'est recherchant d'Allah grâce et agrément. Donc ça c'est aussi une intention. وفي السنة إذن السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص. Donc ce que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. Et ce hadith est muttafaqun alayhi, rapporté par Bukhari Muslim. فَقَوْلُهُ تَبْتَغِ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَهَذِهِ نِيَّةٌ. Donc, dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon, au sahabi Sa'd bin Abi Waqqas, il lui a dit, et sache que tu ne dépenses pas n'importe quelle dépense que tu fais, voulant de par cela la face d'Allah, excepté que tu es récompensé sur cela. Lorsque tu dépenses, tu le fais, ça c'est une intention, c'est cela, recherchant par cela la face d'Allah. D'accord? Lorsque tu recherches, eh bien ça c'est une niya, c'est l'intention. Eh bien tu es récompensé sur cela, excepté que tu es récompensé sur cela. Et ce que tu mets dans la bouche de ta femme comme nourriture, tu es également récompensé pour cela. D'accord? فالمهم أن معنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه لكن تلقته الأمة بالقبول التام حتى إن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث. D'accord? Donc puis il dit le cheikh Mohammed bin Salah al-Uthaymin rahimahullah, il dit donc ce qui est important c'est que le sens du hadith est confirmé par le Coran et la Sunna, malgré que il n'y a que Omar ibn Khattab qui l'a entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et la Ummah, la communauté de l'islam, l'a clairement accepté jusqu'à ce que l'imam al-Bukhari rahimahullah commence son livre qui est le Sahih al-Bukhari par ce hadith-là. D'accord? Donc ça, c'est la légère introduction pour le premier hadith. Là, on va dans l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah. Donc ce que dit le Cheikh Ubayd hafidhahullah, an-niyya fi al-lugha ma'naha al-qasd. Donc l'intention, linguistiquement, ça veut dire le but recherché. D'accord? Yuqalu nawa al-shay' qasada. On dit que celui qui a eu l'intention d'une chose, c'est que il a eu le but pour cette chose-là. D'accord? Son but était cette chose-là. Donc linguistiquement, donc l'intention, c'est le but recherché. D'accord? Il recherchait ce but-là. Wa ma'naha fil 'urf mafhoum, donc ce qui est hein, le sens dans ce que cela signifie, azmul qalb ala fi'li shay aw tarka. D'accord? C'est d'avoir le cœur qui, entre guillemets, confirmé, qui est prêt à faire telle chose ou délaisser telle chose. D'accord ? Prêt à faire telle chose ou délaisser telle chose. D'accord ? Donc le sens dans la législation maintenant. فَهُوَ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ أَوْ تَرْكِهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ. Là on voit la différence là. Donc c'est en fait avoir le cœur qui est clairement raffermi à vouloir faire telle chose ou à délaisser telle chose pour se rapprocher d'Allah. Ça, c'est le sens dans la législation. D'accord ? Pour se rapprocher d'Allah. فَالنِّيَّة لِمَعْنَيَيْهَا اللُّغَوِي وَالْعُرْفِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ. Donc il dit, l'intention dans les deux premiers sens, que ce soit linguistiquement ou dans ce que cela signifie, dans son sens. On ne parle pas de, c'est dans la législation. Dans les deux premières explications, eh bien, le croyant et l'hypocrite peuvent tous deux, d'accord, les deux types, peuvent avoir, donc sont inclus dans ces deux sens-là, que ce soit linguistiquement et dans ce que cela signifie. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهَا الشَّرْعِ. Mais tandis que son sens dans la législation, le sens de l'intention dans la législation, فَهِيَ خَاسَّ بِأَهْلِ الْإِيمَانِ. Donc son sens dans la législation, le fait que son cœur soit raffermi à faire telle chose ou délaisser telle chose, mais dans le but de se rapprocher d'Allah, ça c'est spécifique aux gens qui ont la foi, pas aux hypocrites. D'accord ? Ouna ma yaf'alouna min ta'ati Allah fara'id ou nawafil rajina thawaba. Parce que les gens de la foi, qui ont la foi, les croyants, sont ceux qui font ce qu'ils font comme œuvre, comme obéissance à Allah, comme obligatoire ou surérogatoire, recherchant par cela la récompense d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Ils recherchent par cela la récompense d'Allah Azza wa Jal. Dans le sens donc de ce qui est le sens dans la législation, elle est spécifique à qui ? Aux gens de la foi. D'accord ? Parce que les gens de la foi sont ceux qui font ce qu'ils font en termes d'obéissance, que ce soit des obligatoires ou ce qui est surérogatoire, mais eux, en faisant cela, ils cherchent, hein, ils souhaitent la récompense d'Allah Azza wa Jal. Ils souhaitent la récompense d'Allah Azza wa Jal. وَيَضَعُونَ مَا يَضَعُونَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ رَجَاءَ الثَّوَابِ وَخَوْفَ الْعِقَابِ. Et donc, ils délaissent ce qu'ils délaissent en termes de choses qui sont interdites. Pourquoi ils délaissent cela ? Parce que ils souhaitent la récompense et ils craignent le châtiment. D'accord ? Ils souhaitent la récompense et ils craignent le châtiment. Et ça, c'est, les gens de la sunna, c'est ça la croyance. C'est que tu es entre eux, tu souhaites la récompense, mais tu crains le châtiment. Tu ne tombes pas dans les extrêmes. D'accord ? Tu n'es pas quelqu'un qui dit « Non, je ne veux juste que la récompense, souhaitant que cela. » Ou tu dis « Non, je ne crains que le châtiment. » D'accord ? Je ne crains que le châtiment. Donc ça, ce sont les deux extrêmes. Tandis que non, toi, tu dois être au milieu. Tu souhaites la récompense tout en craignant le châtiment. Donc eux, ils délaissent ce qu'ils délaissent, les gens qui ont la foi, les croyants. D'accord ? Souhaitant la récompense et craignant le châtiment. وَعْلَمُوا أَنَّ مُجَرَّدِ النِّيَّةِ لَا يَعْنِي الْإِخْلَاسِ. Sachez que le seul fait d'avoir l'intention, ça ne signifie pas que tu es sincère. Il dit le cheikh Ubayd Hafidhahullah, sachez que le seul fait d'avoir l'intention ne signifie pas la sincérité. D'accord ? لأن نية فعل الشيء أو تركه يحصل من المنافق كما يحصل من المؤمن. Parce que l'intention de faire une chose, d'accord ? Eh bien, ça arrive à qui ? Ça arrive à l'hypocrite, mais ça arrive aussi au croyant. Il va spécifier avec l'exemple. ومثال ذلك الصلوات في جماعة تحصل النية تحصل النية لها من الصنفين المؤمن والمنافق لكن يفترقان. Donc par exemple qu'il a donné le cheikh Ubayd Hafidhahullah, c'est l'exemple de la prière en groupe, d'accord, pour expliquer que le seul fait d'avoir l'intention, ça ne signifie pas la sincérité, d'accord. Il dit par exemple la prière en groupe, eh bien vouloir aller prier la prière en groupe, qui peut avoir cette intention-là ? Le croyant tout comme l'hypocrite. Le croyant tout comme l'hypocrite. Cependant, ils diffèrent. Bien qu'ils ont la même intention, mais ils diffèrent. C'est pour ça que l'intention n'implique pas automatiquement la sincérité. فالمؤمن يسعى للصلاة الجماعة طلبا لما وعد الله به أهلها من الثواب كما أصدر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le croyant, lorsque il va pour faire la prière en groupe, donc son intention, faire la prière en groupe, d'accord ? Mais que souhaite-t-il ? Il souhaite ce qu'Allah Azza wa Jalla a promis, d'accord ? Ce qu'Allah Azza wa Jalla a promis comme récompense, d'accord ? Comme le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, hein, l'a clairement montré et devancé. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ Tandis que l'hypocrite, فَلَا يَقْصِدْ ذَلِكُ وَلَا يُرِيدُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ مَصَالِحَهُ دُنْيَوِيَّ Tandis que l'hypocrite, lui, il ne recherche pas le fait de recevoir la récompense d'Allah Azza wa Jal pour celui qui fait la prière en groupe. C'est plus clair, l'Hassan, non ? Donc lui, ce qu'il y a, les deux, ils ont l'intention venir prier en groupe, d'accord ? Lui, le croyant, il recherche par cela la face d'Allah Azza wa Jal, il souhaite sa récompense, son agrément. D'accord ? Et ce qu'Allah Azza wa Jal a promis au croyant. Le munafiq, il a aussi l'intention de venir prier en groupe. D'accord ? Mais lui, il ne recherche même pas cette récompense-là. Et il ne la souhaite même pas. C'est pour ça que juste le fait d'avoir l'intention n'implique pas automatiquement d'avoir la sincérité. Et que l'hypocrite, lui, il recherche que des bénéfices mondains. كالشهرة والسمعة ليراه الناس. Tel que la célébrité, le fait que les gens disent « Ah oui, viens prier avec nous » pour montrer l'islam. Parce que faisaient les hypocrites du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Ils montraient l'islam, mais ils cachaient la mécréance. Donc ils venaient prier avec derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils ont l'intention de venir prier la Jama'a. Et les sahaba, ils ont l'intention de prier la jama'a. Mais les sahaba sont sincères et les hypocrites ne recherchent même pas la récompense d'Allah Azza wa Jal. C'est juste parce que là, ils sont dans un lieu et dans un temps que les musulmans sont forts. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? C'est qu'ils se font passer pour des musulmans. D'accord ? Intention, ils viennent prier, mais ceux-là ne sont pas sincères, tandis que les sahaba l'étaient. Wa hadha al-hadith ayyuha al-muslimoun 'uniya bihi al-a'imma. Et ce hadith-là, ô les musulmans, ô vous les musulmans, eh bien cela a aidé les imams, les savants, wa ahlul ilm, min muhaddithin wa fuqaha, que ce soit ceux qui rapportaient les hadiths ou bien les jurisconsultes. Wa dhalika anna al-kathira minhum yusaddiru bihi kitabah lima fihi min al-hath ala salah an-niyya wa husn al-qasd. Donc les jurisconsultes, les savants, d'accord, les gens de science, les gens du hadith, ceux qui sont savants dans le hadith, qui ont rapporté les hadiths, beaucoup d'entre eux commençaient donc leurs ouvrages par ce hadith-là pour se rappeler pour se rappeler l'intention, comme nous avons dit précédemment. D'accord ? Et pour faire en sorte que ce qu'il recherche comme but, c'est ce qui plaît à Allah Azza wa Jal, pour satisfaire Allah Azza wa Jal, pour le faire sincèrement pour Allah Azza wa Jal, en souhaitant cela, sa récompense. وقد روي عن الإمام أحمد. Il a été rapporté de l'imam Ahmed. أن هذا الحديث هو أحد ثلاثة أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها مدار الإسلام. Il a dit que ce hadith-là, les œuvres, les actes ne valent que par leur intention, fait partie de l'un des trois hadiths dont l'islam tourne autour. D'accord ? الحديث الثاني, donc le premier hadith, d'accord, celui-ci, les actes ne valent que par leur intention. Deuxième hadith dont l'islam tourne autour, toujours dans l'explication de ce premier hadith. الحديث الثاني, hadith Aisha, رضي الله عنها, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. Donc le deuxième hadith, c'est le hadith de Aisha, رضي الله عنها. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque invente dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, eh bien ce sera rejeté. Celui qui invente quelque chose qui ne provient pas de la législation d'Allah Azza wa Jal, d'accord, il l'invente, il le ramène de sa poche, de sa tête, il croit que c'est bien, il n'y a pas de problème, ça. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sera rejeté. Pourquoi ? Parce qu'il ne provient pas, hein, de la législation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce deuxième hadith-là, c'est le hadith de Aïcha. Quiconque invente dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie sera rejeté. Le troisième hadith, le hadith al-thalith, hadith al-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhuma, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, vous connaissez ce nom de sahabi, Nu'man ibn Bashir. Vous vous souvenez, c'était quel hadith ? C'était quel hadith ? Hein ? Inna al-halal bayyin. والحرام بين. D'accord, le hadith. C'est aussi rapporté par Bukhari et Muslim. Donc ces trois hadiths-là, les actes ne valent que par leur intention. Le hadith de Aïcha, quiconque invente quelque chose dans notre ordre qui n'en fait pas partie, sera rejeté. Et le troisième hadith, le hadith de Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhuma, le licite clair et l'illicite clair, et entre deux, il y a des choses qui portent à équivoque, eh bien ces trois hadiths-là, ce sont ces trois hadiths-là que tourne autour l'islam. D'accord ? ومن فقه الحديث هذا الحديث فيه قواعد كثيرة نذكر أهمها. Donc il dit dans ce hadith-là, les actes ne valent que par leur intention, le Cheikh Obeid, Hafidhullah, il dit, il y a plusieurs points, plusieurs, énormément de règles dans ce hadith-là. Et nous allons mentionner ces plus importantes. Al-fa'idatul oula, le premier bénéfice de ce hadith. Les actes ne valent que par leur intention. Premier bénéfice. Al-hathu ala ikhlas al-niyya wa husn al-qasd fil amal. Le fait de chercher à la sincérité dans l'intention. D'accord ? La sincérité dans l'intention et à vouloir un but qui est noble, d'accord, dans les œuvres que l'on fait. Sincérité dans l'intention en recherchant le but noble, d'accord. وَأَنَّ مَدَارَ الْأَعْمَالِ عَلَى النِّيَّةِ. Et que les œuvres tournent autour de quoi ? Autour de l'intention. D'accord ? Les œuvres tournent autour de l'intention. Pour que cette œuvre-là soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, ça dépend de l'intention que tu as eue. فَإِذَا صَلَحَتِ النِّيَّةِ صَلَحَ الْعَمَلِ. Si la niya a été correcte, bonne, alors l'œuvre sera bonne. D'accord ? وَإِذَا فَسَدَتِ النِّيَّةِ فَسَدَ الْعَمَلِ. Et si la niya devient mauvaise, corrompue, l'œuvre devient corrompue ou mauvaise. D'accord ? وَالْمُرَادْ بِالْأَعْمَالِ مَا كَانَ بَدَنِيًّا كَالصَّلَاةِ وَالسِّيَامِ وَالْحَجِّ والعمره. Pour ce qui est voulu par les œuvres, c'est ce tout d'abord ce qui est hein, par le corps. Ce qui est fait par le corps. Les œuvres qui sont faites par le corps, comme la prière, comme le jeûne, comme le pèlerinage, comme la umra. D'accord ? Comme le hajj, comme la umra. Ou maliyan, les œuvres aussi, ça implique quoi ? Ce qui est aussi fait avec l'argent. D'accord ? Kas sadaqa, comme le fait de donner en sadaqa. D'accord ? L'aumône. Ou qawliya, ou bien selon la parole, ka qira'at al-Qur'an wa at-tasbih wa at-tahlil wa at-tahmid. D'accord ? Donc les œuvres, ça inclut quoi ? Celle du corps, celle de l'argent, celle de la parole. D'accord ? Thaniyan. Deuxième point. Al-hathu 'ala al-hijra. وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. Le deuxième point dans ce hadith-là, à celui qui a accompli la hijra, d'accord, c'est-à-dire la migration pour plaire à Allah et à son envoyé. Donc il dit là, le deuxième point, c'est l'insistance sur le fait de faire la hijra, la migration. Et c'est quoi la hijra ? C'est le fait de partir d'un pays de mécréants vers un pays d'islam. C'est ça la hijra, d'accord ? Il dit ensuite le Cheikh Ubayy Hafidhahullah, « وَنُنَبِّهُ هَاهُنَا إِلَىٰ أَمْرَيْنِ » On doit mentionner deux points ici, en ce qui concerne la hijra, d'accord ? « الأول بَقَاءُ الْهِجْرَ » Le fait que la hijra restera obligatoire, restera ainsi jusqu'à la fin des temps. Et il va le prouver par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala sallallahu alayhi wa sallam, la tanqati'u al-hijra hatta tanqati'a at-tawba. La tanqati'u al-hijra hatta tanqati'a at-tawba. Wa la tanqati'u at-tawba hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Hadith sahih bi majmou'i turuqi. Le hadith est authentique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'émigration, la hijra, ne cessera pas jusqu'à ce que le repentir ne soit plus accepté. D'accord ? Et le repentir sera toujours accepté jusqu'à ce que le soleil se lève du couchant. C'est-à-dire, se lève de l'ouest. Parce que lorsqu'il se lève de l'ouest, c'est la fin des temps. La fin des temps, on se rappelle les deux occasions que la Tawba n'est plus acceptée. La fin des temps, lorsque le soleil se lève à l'ouest, parce que là, il se lève à l'est, d'accord ? Mais lorsqu'il se lève à l'ouest, c'est la fin des temps. La Tawba n'est plus acceptée. Et lorsque l'individu est en train de rendre l'âme. D'accord ? Donc là, le hadith est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, clairement que l'émigration ne cessera pas. Parce qu'il y en a qui ramènent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a ouvert Mecca et il a dit qu'il n'y a plus de hijra. Mais ils ne comprennent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a plus de hijra parce que la Mecque est devenue musulmane. Donc tu n'as plus besoin de quitter la Mecque qui était mécréante. D'accord ? Et donc ils veulent utiliser ce hadith-là pour, toujours en omettant ce hadith-là qui est authentique. Non, on ne peut pas faire cette erreur-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a dit la hijra dans l'autre hadith, lorsqu'il a ouvert la Mecque, il n'y a plus de la hijra, c'est parce que la Mecque est devenue musulmane. Donc tu n'as plus besoin de faire la hijra. D'accord ? Le hadith est clair où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'émigration ne cessera pas jusqu'à ce que le repentir ne soit plus accepté. Le repentir sera toujours accepté jusqu'à ce que le soleil se lève du couchant, c'est-à-dire de l'ouest. الثاني, le deuxième point concernant ici la hijra. في حكم الهجرة اعلموا أن الهجرة قسمان. Sachez qu'il y a deux catégories de hijra. D'accord ? هجرة واجبة وهجرة مستحبة مندوبة. Il y a deux types de hijra, celle qui est obligatoire et celle qui est recommandée. فالهجرة الواجبة, الهجرة qui est obligatoire, هي في حق من أذي في دينه وعرضه فلم يقدر على إقامة شعائر الله في البلد الكافر وكان قادرا عليها. La hijra qui est obligatoire, c'est celui qui est offensé, nuit dans sa religion, il fait des nuisances dans sa religion, d'accord ? Et qu'il a des difficultés à appliquer la législation d'Allah Azza wa Jal. Et qu'il est également nuit dans son intégrité, d'accord ? Dans son honneur, dans sa famille, etc. D'accord ? Donc il ne peut pas mettre en application la législation d'Allah Azza wa Jal dans le pays qui est mécréant, et il a la possibilité, il a les moyens de faire la hijra. D'accord ? Donc là, la hijra est obligatoire. D'accord ? وَبِهَذَا تَعْلَمُونَ أَنَّ شُرُوتِ الْوُجُوبِ شَرْطَانِ. Et sachez que les conditions de l'obligation est de deux points, et de deux conditions. أَحَدُهُمَا الْأَذِيَّ فِي الدِّينِ وَعِرْضِهِ. C'est le fait que tu es nuit dans ta religion et dans ton intégrité, dans ton honneur, dans ta dignité. وَتَعْنِي الْقُدْرَ عَلَيْهَا. فإذا كان الأمر كذلك هاجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد إسلام أو إلى بلاد كفر يتمكن فيه من إقامة شعائر الله ويأمن على عرضه. Donc il dit là, la hijra, la migration est obligatoire lorsqu'il est nuit dans sa dignité, dans son honneur et dans sa religion, et qu'il a les moyens de faire la hijra, alors il quitte le pays de mécréants et va dans les pays musulmans. Ou bien, il quitte le pays de mécréants où il y a des nuisances contre sa religion, et il se dirige vers un autre pays mécréant où est-ce qu'il est en sécurité pour sa religion. Quel est l'exemple pour cela ? Dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti de Mecca vers Médina ? Non. Vers l'Abyssinie ? Barakallahu fik. Lorsqu'il est parti à Al-Habasha. C'était pas des musulmans. D'accord ? Voilà. Donc ils ont quitté la Mecque qui était des mécréants vers l'Habasha, l'Abyssinie, où est-ce que, voilà, il y avait un gouverneur qui était un kafir d'abord, un chrétien, mais ils étaient en sécurité pour leur religion et leur dignité. Ils avaient reçu la sécurité. D'accord ? Donc c'est pour ça que le shir dit cela. D'accord ? القسم الثاني وهو المندوب. Le deuxième, donc le premier point de la hijra, c'est quoi ? C'est ce qui est obligatoire. Deuxième point, c'est ce qui est recommandé. D'accord ? C'est ce qui est recommandé. وهذا في حق من كان في بلد كافر لكنه آمن على دينه وعرضه فلا ينحته أذى. Et donc il dit le deuxième point, la deuxième catégorie, c'est la migration qui est recommandée, c'est pour celui qui vit dans un pays mécréant, mais il est en sécurité pour sa religion, c'est-à-dire il peut pratiquer librement sa religion, et il est en sécurité pour sa dignité et son honneur, d'accord, et son intégrité, d'accord. Celui-ci, la hijra, lui est recommandée, d'accord. Un point ici à souligner, c'est que le cheikh Mohammed Ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah avait mentionné un point important concernant la hijra. D'accord ? Il avait mentionné que, vous savez très bien que le pur monothéisme, c'est d'appliquer les deux attestations de foi. D'accord ? La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Et que celle-ci implique l'alliance et le désaveu. On s'allie avec les musulmans, d'accord ? Et on se désavoue du polythéisme et de ses adeptes. Et on s'allie avec les gens de la sunna et on se désavoue de l'innovation et des innovateurs. Eh bien, il a dit, l'alliance et le désaveu ne se concrétisera que lorsque le musulman aura fait la hijra du pays de mécréants vers le pays musulman. Là, comment ? Là, Voilà. Là, il concrétisera l'alliance et le désaveu. Et même s'il est en sécurité dans un pays mécréant. D'accord ? C'est-à-dire, même s'il est en sécurité, il peut pratiquer sa religion, d'accord ? Librement, il est en sécurité. Cheikh Mohammed ibn Had al-Matri rahimahullah a dit, la concrétisation de l'alliance et des aveux ne se fait que lorsque le musulman quitte les pays mécréants et s'installe dans les pays musulmans. Là, tu concrétises. Parce que sinon, tu risques de finir enterré à côté des koufars, tu vois. Là, tu rentres dans un cimetière, on va te faire un carré, je ne sais pas quoi, la roue de Billet. Un frère m'avait dit, il y en a un, il est mort. Ils n'avaient même pas ce qu'ils appellent un carré musulman. Ils l'ont enterré à côté d'une tombe où il y avait une croix. La roue de Bellet. Dans la région. Hein, dans la région. Donc, il y a des mouchklas. La roue de Bellet. Alors, eux, ils reçoivent Adab al-Qabr. Et qu'est-ce qu'ils font alors pour ceux qui sont. Oui, voilà. Mais... Tu vas lui dire ça, il va dire là, t'as des mouchklas. Exactement. Mais toi, au moins, tu fais des causes. Et que innamal a'mal binniyat, ta niya, t'as fait les efforts, t'as essayé tout cela d'aller t'installer dans un pays musulman, t'as fait les efforts. Mais subhanallah, je sais pas moi, t'as pas pu, t'avais pas les moyens ou quoi que ce soit. Mais c'est différent de celui qui n'a même pas cette niya là. Les ulama ils disent chaque jour tu dois te faire renouveler cette niya là dans ta tête, chaque jour, pour concrétiser l'alliance et le désaveu. Que chaque jour tu vas faire les, tu fais les efforts, inshallah, qu'Allah te facilite, que tu puisses, voilà. Parce que c'est pas comme certains font, sur un coup de tête, il plie bagage et puis il va s'installer, il va vivre avec les aides au bled. Hein. C'est pas comme ça la Hijra. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la Hijra. Subviens à tes besoins. Voilà. Tu cherches de quoi subvenir à tes besoins là-bas. Tu vois, il y en a, ils disent, ouais, je vais passer une année, je vais tester, je vais voir. 2 ans, je vais voir. 3 ans, je vais voir. Puis après, dès qu'ils leur coupent les aides, ils rentrent. Subhanallah. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, en plus, barakallahu fi, comme ça, c'est la voie des innovateurs. C'est pas la voie des gens de la sunna. Les innovateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils rompent les pactes. Ça, c'est connu, comme les khawarij, ils rompent les pactes. D'accord? C'est-à-dire que l'individu, lorsqu'il y a par exemple un touriste qui va dans un pays musulman, d'accord? Lui, il tombe dans la catégorie de ceux qui ont reçu le pacte. Ils sont sous un pacte. Sous pacte. Donc il est interdit de toucher à leur bien, à leur sang, à quoi que ce soit. Tu vois? Parce qu'ils sont sous un pacte. D'accord? Ils sont rentrés par une autorisation. Ils ont pas, tu vois, ils sont rentrés par une autorisation. Donc ils sont sous un pacte. Donc, lorsqu'il rentre, il est interdit de les nuire en quoi que ce soit. Tu vois? Alors que les innovateurs, parmi les khawarij, comme les touristes et tout cela, dès qu'ils attrapent un touriste et puis qu'ils l'exécutent et tout cela, en disant que voilà, eux, ils ont rompu le pacte. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque tue quelqu'un sous un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis. C'est pour ça que tu te demandes, est-ce qu'ils lisent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de l'innovation de la bid'a, ils sont connus pour rompre les pactes. Alors lorsque, ce qui déçoit, c'est lorsque des gens qui s'affilient à la sunna et disent qu'ils veulent faire la hijra, mais vont vivre avec les aides de la France, le RSA. Il y en a même qui sous-louent leur appart, a'oudou billah, pour rester à toucher les aides là-bas et tout cela, lorsqu'ils sont bled. Ça, ce n'est pas la hijra. Ça, c'est la voie des innovateurs. Ils pourront dire toute leur vie qu'ils sont sur la sunna. Ça, c'est la voie des innovateurs parce qu'ils auront rompu un pacte. Même lorsque tu touches le chômage, écrit, tu as un pacte. Tu ne dois pas quitter, être hors du territoire plus de 90 jours, ils te disent. 35. Voilà, 35, voilà, je ne sais plus. 35, voilà, 90, je ne sais plus. Tu déclares, tu pars. Voilà, tu déclares, tu t'en vas. Tu déclares que tu pars un certain nombre de jours. D'accord ? Subhanallah, tu sens que tu triches, madame. Ouais. Et ça, subhanallah. Donc, ce qu'on parle de la hijra, barakallahu fikum, c'est le fait que tu subviens à tes besoins. D'accord ? Tu renouvelles ton intention, que tu essaies de faire quelque chose pour subvenir à tes besoins. Tu restes pas à être sur la voie des innovateurs, qu'Allah nous en préserve. Donc, le deuxième point qui dit. Deuxième point qui dit. Donc ce que j'avais dit là, c'était ce qu'une parole de Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Matrali rahimahullah qui disait, il est préférable pour toi de manger que du sel dans un pays musulman que de manger des raisins et tu vis au sein des polythéistes et des mécréants. Qu'Allah nous le facilite. Le troisième point maintenant. Al-faidatu thalitha. de ce hadith-là, troisième point de ce hadith-là, التزهيد في الدنيا بحقارتها. Donc là, ce qu'il dit, c'est de renoncer, le troisième point que l'on peut tirer de ce hadith-là, c'est de renoncer de ce bas monde. D'accord ? Parce que c'est quelque chose de qui est méprisé, qui a été méprisé de par la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on verra dans les explications plus détaillées du Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymin, rahimahullah. Donc c'est de renoncer à cette dunya, à ce bas monde. D'accord ? وأن المسلم لا يشتغل بها حتى يغفل عن الآخرة. Le musulman ne reste pas occupé de cette dunya-là jusqu'à le mener à être insouciant à l'au-delà. Il y en a tellement, ils vont rentrer dans s'occuper de la dunya qu'ils vont avoir cette insouciance-là, oubliant qu'ils devront rendre des comptes, oubliant qu'il y a un jour du jugement, oubliant que, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été pris par cette dunya-là. Le musulman, lui, il ne se fait pas avoir comme ça. Il est conscient qu'il devra rendre des comptes. Deux questions, d'où as-tu l'argent et où l'as-tu dépensé ? D'accord ? Donc toi, tu cherches à subvenir à tes besoins pour ne pas être dans la demande. Ce n'est pas le comportement du musulman, il doit faire des efforts à subvenir à ses besoins. D'accord ? Il fait des efforts dans cela. D'accord ? Mais il utilise cet argent-là comme un individu utilise un âne pour se déplacer. D'accord ? C'est un moyen, ce n'est pas un but. D'accord ? L'argent ne doit pas être un but en soi, mais un moyen. Tu dois subvenir à tes besoins, payer tes charges, etc. etc. D'accord ? Donc, il dit, Cheikh Ubayd, hafidhahullah, وهذا بينه صلى الله عليه وسلم بقوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها يعني ينالها ويحصلها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc ceci est mentionné dans ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit. C'est pour ça que le troisième point, c'est de délaisser la dunya. Si tu fais la hijra, tu l'as fait pour Allah et son messager. C'est pas par exemple, ça y est, alhamdoulilah, t'as fait tous les efforts, t'as pu réunir ce que t'as pu faire comme moyen, tu fais la hijra, et puis un jour t'as une difficulté dans un pays musulman, et tu te retournes, hein, et tu commences à dire, ouais, mais voilà, ici c'est compliqué, c'est je sais pas quoi, et puis tu dis, bon, allez, je suis pas encore prêt, je sais pas quoi, et tu retournes. Non, tu dois patienter parce que t'es éprouvé. Tu l'as fait sincèrement pour Allah? Allah Azza wa Jal va éprouver ta sincérité. À chaque fois, on est éprouvé. L'individu, il prétend qu'il est sincère. Il est éprouvé sur sa sincérité. Tu vois ? Pour que Allah Azza wa Jal, il distingue bien entre les véridiques et les hypocrites. Tu vois ? C'est pour ça, Allah Musta'an. Donc, c'est pour ça que là, ce qui est, hein, celui dont la hijra, c'était pour. Il a fait la hijra pour quoi ? C'est pas il a fait la hijra pour Allah et son messager. Parce qu'il a trouvé un poste où est-ce qu'il est bien payé là-bas, par exemple. D'accord ? Il se dit, oh, bah tiens, c'est bien, je vais aller vivre là-bas. Tac, je trouve un poste, je vais travailler là-bas. Lui, il l'a fait pour ça. Il ne l'a pas fait parce qu'il recherchait à faire la hijra. D'accord ? Ou bien, il voulait se marier avec une femme. D'accord ? Et par exemple, une femme lui dit, eh bien, écoute, si tu veux te marier avec moi, il faut que tu viennes vivre ici. Donc lui, il va aller vivre là-bas. D'accord ? J'amène bien la hijra. Voilà, barakallahu fik. Comme certains, qu'Allah les guide, ils ne sont pas musulmans, mais la femme avec qui il aimerait se marier, elle dit, si tu veux devenir musulman, il faut que tu te convertisses. Mouchkla. Est-ce qu'il va se convertir parce qu'il recherche le haq et il connaît le haq et il veut le haq? Ou bien est-ce qu'il va se convertir parce qu'il veut vivre avec cette femme? Le quatrième point, et on va terminer avec cela pour commencer, inshallah, les quatre règles. Le quatrième point de ce hadith-là, quatrième bénéfice, inna al-jaza min jins al-amal. La récompense, d'accord, dépend de l'œuvre que tu as fait. Faman ahsana fil amal, ahsana Allahu lahu al-mathuba. Celui donc qui a, Celui donc qui a fait en sorte de parfaire son œuvre, l'œuvre qu'il fait pour Allah Azzawajal, il fait en sorte qu'il a fait le plus correctement possible, d'accord ? Eh bien, Allah Azzawajal lui donnera la meilleure des récompenses. Donc, faman ahsana fil amal, celui donc qui a fait son œuvre de la meilleure des façons, ahsana Allahu lahu al-mathuba. Allah Azzawajal lui donne une meilleure récompense. Wa man asa'a fil amal, et celui donc qui a fait une œuvre, il l'a faite de façon mauvaise, il l'a mal faite, d'accord ? Nala dudda dhalika min su' al-iqab. Eh bien, il recevra l'opposé de la meilleure des récompenses. Mais il risque donc, il recevra comme cela le châtiment. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal dit, liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Sourate An-Najm, verset 31. Celui qui fait une œuvre contraire au bien, ou c'est celui qui fait une... C'est-à-dire qu'il l'a fait mauvaise des façons. D'accord ? Mauvaise des façons. Celui que l'imam Al-Qayyim rahimahullah mentionné par exemple, celui qui fait sa salate sans ablution est sujet au châtiment de la tombe. Tu vois ? Donc là, la salate, l'œuvre, il l'a mal faite, d'accord ? Et il risque le châtiment. Parce qu'il l'a mal faite. Alors que si tu fais l'œuvre la plus correcte possible, eh bien tu auras la meilleure récompense. D'accord ? Donc Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Najm, verset 31, afin qu'il, dans la traduction au sens du verset, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Et par la meilleure récompense, donc les ulama disent, il aura une meilleure fin. D'accord ? Il aura une meilleure fin. Donc ça, Sourate An-Najm, verset 31. Donc, là, on a terminé les explications de Cheikh Ubayd Jaberi concernant le premier hadith de les actes ne valent que par leur intention. Et la semaine prochaine, on continuera, Inch'Allah, cette fois-ci, dans le détail de certains mots dans le hadith. D'accord ? Pour là, on a une compréhension qui est globale. Ça veut dire que la semaine prochaine, tu reviens, tu as relis toutes les notes, tu as une meilleure compréhension du hadith. C'est global, général. Ensuite, on va voir... Tu sais le sens global. Ensuite, il va y avoir une explication qui est détaillée, Inch'Allah, qu'on fera. Inch'Allah, avec les explications de Cheikh Mohamed Ibn Salah al-Wataymin, rahimallah, alaykum salam wa rahmatullah. Donc, comme ça, pour qu'on comprenne bien entre ce qui est habitude et ce qui est adoration. D'accord, etc. Et ce que signifie par exemple innama, etc. D'accord, pour qu'on comprenne l'importance de ce mot-là en arabe. Si t'es dans l'adab al-qabr, automatiquement tu passes par l'adab jannah. Allahu a'lam. Je peux pas répondre comme ça. Il faut que je vérifie. Ouais. Donc, on termine avec ça. On va commencer maintenant, inch'Allah, les quatre règles du Barakallahu fikoum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.